Le 15 octobre, le comité préparatoire équatorien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actes 5 2017 a publié une déclaration en signe de soutien à l'appel du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actes 5 2017. Il a déclaré livrer les festivités politiques et culturelles variées à l'occasion des fêtes significatives de l'année prochaine pour remonter l'atmosphère de célébration et participer activement à ce rendez-vous prévu en août de l'année prochaine.